Le monde est moche, c'est pas de ma faute. Y'a trop de cloches, maintenant je saute le pas. Je lève le poing, je croise les bras. Le système est pourri, hein, pas moi. Je suis prêt pour la révolution, putain de révélation. Attends deux secondes, je fume un pet pour mon inspiration. Puis depuis trois, et je ne me réveille pas. Je changerai le monde peut-être une autre fois. Les capitalistes capitalisent, les socialistes socialisent. Les fascistes se fâchent, les anarchistes s'acharnent. Les écolos en marche, les communistes se canne. Je manquais de repères et ne trouvais pas ma place. Je voulais seulement te niquer ta race. Maintenant je m'engage, ça n'engage à rien. Canalise ma rage, mon ego se porte bien. J'ai trouvé mon idéal et je n'en démords pas. 24 sur 24, je te parle de ça. Les autres ont tort, moi j'ai raison. C'est l'objectif premier de ma révolution. Je sais qui tu es, derrière ta carapace. Je sais qui tu es, et moi je sais. Pourquoi tu vois la face? Attends, je te fracasse, moi, je te fracasse. Je sais qui tu es, derrière tes paroles. Je sais qui tu es. Et toi tu sais? Alors quel est ton vrai rôle? Quoi? Tu crois drôle? Bouffon, ouais. Issus des mêmes quartiers, on avait la même culture de cité. On avait ce putain de ghetto qui nous coule à la peau. Mais ça nous a pas empêchés de trouver du boulot. Au fond de la classe, tu faisais la misère aux profs. Moi, je disais rien, j'écoutais les villes profs. Je t'ai vu complaire dans ton cliché. Mais moi, j'essaie à tout prix de m'en détacher. Les seuls fusils à pompe que t'as, stick, ils sont en plastique. Mais qui es-tu sans ta clique? Derrière l'uniforme de la banlieue, je sais que tu clashes Zemmour en moins de deux. Tu pensais que ta virilité pouvait gommer tes sentiments. Mais pour elle, j'ai vu tes larmes couler lentement. Je sais qui tu es, mec. Je sais qui tu es, derrière ta carapace. Je sais qui tu es. Et moi je sais. Pourquoi tu te vois la face? Attends, je te fracasse, je te fracasse. Je sais qui tu es, derrière tes paroles. Je sais qui tu es. Et toi tu sais. Alors quel est ton vrai rôle? Quoi? Tu crois drôle? Bouffon, va. Celui-là, ne prie pas, ne crois pas, mais va à l'église. Selon lui, il marche avec la foi et surtout ne pêche pas. Malgré tout ça, il se conforte dans cette place que l'autre lui octroie. La voix du Christ et son fond de commerce, c'est triste, n'est-ce pas? Lui sourit, car son lit se remplit de petites sœurs. Ce prêcheur est un menteur, mais qui le sait? Car ceux qui obéissent se plient avec lui aux joies de la vie. Ce prêcheur est un manipulateur, arborant l'église à sa manière, faisant de l'enfer un paradis sur terre. Lui qui se dit décrit comme le Christ. Ce triste pieu a fait son mouvement de pensée que les religieux perçoivent comme une secte endiablée. Mais cet homme sans foi pose la question. La religion n'est pas une secte en soi. Je sais qui tu es, derrière ta carapace. Je sais qui tu es. Et moi je sais. Pourquoi tu vois la face? Attends, je te fracasse. Je sais qui tu es, derrière tes paroles. Je sais qui tu es. Et toi tu sais. Alors quel est ton vrai rôle? Quoi? Prends drôle, bouffon, va.